ABC, c'est El Colombiano. Toujours le même. Tu sais, trois ans après, je me demande encore ce qu'ils veulent. Ils nous mettent sous les rails et à la fin veulent qu'on se pète la gueule. L'enjeu pourtant était de réussir, qu'on proclame. Il n'y a pas de couleur ni de feu sans flamme. Je suis triste de voir toujours les mêmes qu'on condamne. Le gouvernement à l'écoute restreinte et monotone. L'amour pourtant on la réclame, mais elle finit toujours par tomber comme ses feuilles en automne. Laissez-nous vivre avec ce qu'on peut et ce qu'on se contente. Laissez-nous dire ce qu'on veut tant que le sourire de nos mères nous enchante. Tous les moyens sont bons pour s'en sortir. La liberté, on veut la vivre et la sentir. On a tous le même but, c'est de tenir les règles. Malgré les secousses, ils veulent qu'on prenne plus de peine. Ils veulent qu'on lâche prise, non. Ils veulent qu'on grille la défaite seulement avec une balle dans la tête. On a tous le même but, comme les forces dans l'arène. Car ils veulent qu'on se tue seul, ils veulent qu'on saigne. Et qu'on arrête charbonner au plat. Dis-moi ce qu'ils veulent, est-ce qu'ils veulent qu'on craque? Ils veulent que je lâche prise, que moi et mes potes on jette l'encre, qu'on mette les doigts dans la prise, car il nous reste trop peu de temps en temps. La rage de nos pères, plus résistant, et comprends-tu les cris de nos mères? Des larmes en guise d'encre, pour qu'on s'arme quand nos chargeurs sont vides, et les boucliers de nos blocs sont détruits, et on sert de cible. Nous sommes le fléau de ce monde, chez nous pas d'antidote, car on est les ondis qui nourrissent ce monde. On est juste des membres, habilités à grandir, habilités à dire qu'il faut combattre et non pas fuir, car le système nous entube. Désolé de te dire qu'on avance, mais on reste que les rameurs de ce navire. Ils mettent des barrières à nos études, faut croire qu'ils nous manipulent, comme dit Lorenzo, comme quand l'amour nous encule. Trop de polémiques, on est détestés par tous, à vrai dire, on se tue seul devant notre propre partous. On a tous le même but, c'est de tenir les règles. Malgré les secousses, ils veulent qu'on prenne plus de peine. Ils veulent qu'on lâche prise, non. Ils veulent qu'on grille la défaite seulement avec une balle dans la tête. On a tous le même but, comme les forces dans l'arène. Car ils veulent qu'on se tue seul, ils veulent qu'on saigne. Et qu'on arrête charbonner au plat. Dis-moi ce qu'ils veulent. Est-ce qu'ils veulent qu'on craque? Ils veulent qu'on lâche prise, qu'on coupe le contact, qu'on nous arrête et verbalise, pour que Marianne soit contente. Remarque qu'il faut qu'on tienne, qu'on persiste, car on est que des pions comme les deux journalistes. Le Reich est mort et toujours les mêmes racistes qui décolorent les religions pour que les peuples démoralisent. Amis ou ennemis, qui est-ce qu'on vise? Quand c'est l'un de tes amis qui devient l'un de leurs complices. La vérité est sous scellé, comprends qu'on est sous écrou. Ils manipulent nos écrans, tu sais, comme à l'époque des l'écu. Car la voix de l'euro nous parle trop fort pour être franc, comme Kairi 2005. Trop hardcore. À mort, les principes sont bafoués. Et on sert qu'à payer des amendes qui servent de coups de fouet. Et qu'on lâche la prise des R6. Car ils veulent qu'on se crache, qu'on passe derrière leur pare-brise. On a tous le même but, c'est de tenir les règles. Malgré les secousses, ils veulent qu'on prenne plus de peine. Ils veulent qu'on lâche prise, non. Ils veulent qu'on grille la défaite seulement avec une balle dans la tête. On a tous le même but comme les forces dans l'arène. Car ils veulent qu'on se tue seul, ils veulent qu'on saigne. Et qu'on arrête charbonner au plat. Dis-moi ce qu'ils veulent, est-ce qu'ils veulent qu'on craque? On a tous le même but, c'est de tenir les règles. Malgré les secousses, ils veulent qu'on prenne plus de peine. Ils veulent qu'on lâche prise, non. Ils veulent qu'on grille la défaite seulement avec une balle dans la tête. On a tous le même but comme les forces dans l'arène. Car ils veulent qu'on se tue seul, ils veulent qu'on saigne. Et qu'on arrête charbonner au plat. Dis-moi ce qu'ils veulent.